Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs, c'est l'asile le plus sûr, ravi de vous retrouver pour une nouvelle sélection de musique de traverse, comme chaque semaine en direct le lundi sur l'antenne du 94 MHz, ou émission aussi écoutable sur son blog asile35.blogspot.fr, également en streaming sur le mixcloud/Redman avec les playlists et pas mal de choses encore. Émission générale podcastable à partir de la fin de semaine, donc 2-3 jours après l'émission du lundi. On attaque avec un split 45 tours que nous devons aux excellents Dirouf. Dirouf en compagnie de Marc Ribot et son projet Ceramic Dog. Il s'agit sur la façade de l'instrumental du titre Qui dorme, nommé Somia, qui figurait sur le dernier opus d'Irouf versus Evil, sans la chanteuse Satomi Matsuzaki, et donc à deux guitares. John Dietrich est rejoint par le guitariste légendaire de la scène Downtown pour une version qui fait furieusement penser à du Zappa. On écoute le titre qui a été débaptisé de d'Irouf, Who Sleeps Only Dreams. lighting us all with his fiery breath. To an all-consuming, mind-absorbing zenith. I'm on a nightmare journey. Getting higher and higher, smashing down the pinnacles as a dignified fate, digesting the soul of a city in its heaving weight. Amid the tormented suffering of a million screaming mistakes. On a démarré la sélection de cette semaine avec deux titres sur la thématique du sommeil pour s'extirper de la torpeur d'un long week-end ensoleillé. On a démarré avec le 45 tours split entre Dirouf et le projet de Marc Ribot, Ceramic Dog, qui participait à cette version de Dirouf. Le titre Who Sleeps Only Dreams, Dirouf qui n'a pas une production faramineuse, ils n'ont rien sorti depuis 2 ans, c'est plutôt le calme plat de leur côté, à part ce petit 45 tours qui est sorti pour le Record Store Day du mois d'avril d'avant, qui est sorti grâce aux bons soins du label new-yorkais Northern Spy, un titre de Ceramic Dog qui figurait sur leur deuxième opus Your Turn, qui était sorti lui aussi sur Northern Spy, et qui figure donc sur la face B et donc cette face A. Et ce titre de Dirouf revisité qui était enchaîné avec le morceau Nightmare de quelqu'un que je découvre avec cette réédition. Il s'agit de Martok, le projet synth-pop un peu dark wave sous influence Residence ou Kraftwerk du britannique Warren Scott alias Martin O. Kusbert. Donc un projet de la fin 70, début des années 80. Il s'agit d'une anthologie sous le titre Music for Alien Ears, sortie grâce aux bons soins du label, je crois qu'ils sont basés à Osaka, en tout cas ils sont japonais, IM Records, qui réédite donc cette anthologie qui était sortie à l'origine en 1983 et qui colligeait différents 45 tours publiés à l'époque entre 78 et 81 en plus ou moins autoproduction sur le propre label de Monsieur Martok Exotic Records, notamment donc ce titre Nightmare ou encore Nightmare Trip de 1980. Pas beaucoup d'informations sur ce monsieur, si ce n'est que les fameux John Peel ou encore John Lydon de Public Image Limited étaient assez fanatiques de la musique du monsieur, notamment Johnny Lydon avait à l'origine classé un de ses morceaux en tête du classement du New Musical Express en 1978. Donc une compilation hautement recommandable qui est sortie conjointement en vinyle et en CD pour la musique de Martok, à classer quelque part entre The Normal et Fad Gadget, mais vraiment très très très original. On écoutera peut-être d'autres extraits dans les numéros à venir de L'Asile le plus sûr. On va continuer avec un projet assez proche, mais de 2014 cette fois-ci. Il s'agit de Sandra Electronics et le 45 tours maxi Want Need, sorti sur le label de la DJ new-yorkaise Veronica Vasica, Minimal Wave, qui est passionnée de sons synthétiques et qui réédite beaucoup de choses vintage d'époque et donc des productions toute nouvelle, comme ce nouveau 45 tours de ce projet anglo-américain dans lequel on retrouve Carl O'Connor, plus connu sous son alias Régis. Je crois qu'il se produisait à la fin des années 80 sous ce nom de Sandra Electronics, et donc il a revivifié son vieux projet depuis 4-5 ans en débauchant l'américain Juan Mendes alias Silent Servante pour donc un mix électronique plutôt estampillé post-industriel, assez proche de ce que peut produire Monsieur Régis, mais avec un côté un peu plus synthé analogique. C'est vraiment très très bon ce 45 tours de Sandra Electronics Want Need, dont on va écouter le titre qui démarre et qui là encore évoque la thématique du sommeil, It Slipped Her Mind par Sandra Electronics. À l'instant, dans votre cabinet de curiosité du lundi soir, l'asile le plus sûr, vous avez pu entendre tout d'abord Sandra Electronics et le tout nouveau 45 tours long produit par ce duo entre Régis, le britannique Régis qui produit de la techno minimale un peu post-industrielle, et Silent Servante qui s'inspire pas mal de sons vintage pour la musique électronique qu'il produit. Excellent second maxi par ce duo qui a sorti aussi quelques 45 tours et aussi une cassette sur Minimal Waves en parallèle de ce maxi sous le titre Sessions, ce maxi qui s'intitule donc Want Need, qui était enchaîné avec une sorte de croisement entre le gamelan explosif de IG Démanique et le groove tribal de SG. Il s'agissait du projet de Mademoiselle Yoshimi Pi, ex-membre et batteuse des Boredoms, et son projet OOIOO, les cinq voyelles combinées pour ce combo exclusivement japonais et féminin qui publie son sixième ou septième disque en date sous le titre Atatawa. Ça va sortir sur le label de Chicago Thrill Jockey à la fin du mois de juin. Alors c'est un tontinet moins réussi que ce qu'elles avaient pu produire, notamment également sur Thrill Jockey sous le titre Taiga, qui était un disque qu'elles avaient publié il y a une bonne douzaine d'années, qui était ultra groovy, dansant. Là il y a beaucoup de cloches, ça tintinabule, je crois que c'est comme ça qu'on dit, plutôt beaucoup. Il y a toujours des vocaux assez ethno dérangé pour OIO et cet album Atatawa. On va continuer avec une autre nouveauté et un disque pour nous rappeler que l'été est quasi là. Il s'agit du tout nouvel album, le second en date, du Réveil des Tropiques, le quintet parisien mené par le guitariste Frédéric des Oberland, qui s'intitule Hallucination scénique volume 1. Il s'agit d'un disque donc qui fait suite à une tournée d'une trentaine de dates au printemps 2013, dont ce concert publié en deux faces de vinyle à l'Ivresse à Nantes. Une excellente tambouille kraut noise post-rock pour le Réveil des Tropiques, à l'image de leur double album vinylique qui était sorti il y a de ça 2-3 ans, et à l'image aussi de ce que pour produire Monsieur Oberland sous son autre projet Oiseau Tempête, qui s'est fendu d'un excellent double album sur Sub Rosa qu'on avait écouté dans cette même émission. Et d'ailleurs Oiseau Tempête publie également ces jours-ci des remixes, Oiseau Tempête Reworks, très très bon vinyle transparent rose qui comporte donc des reprises de leur premier disque éponyme, notamment par Scanner ou encore Harris Underwater de Do Make Say Sing. Mais ce soir je propose donc le retour du Réveil des Tropiques, projet donc toujours actif de Monsieur Oberland, et ce Hallucination scénique volume 1. Donc on imagine que ça devrait donner le jour à un deuxième opus d'ici quelques temps. En tout cas celui-ci est produit comme le précédent sur l'excellent label Music Fear Satan. Et donc on écoute un bout de ce live à Nantes, en démarrant plutôt à la moitié de la première face, c'est donc sans doute du premier set du Réveil des Tropiques. une longue tranche d'hypnose sonore sur l'antenne du 94 MHz, extrait de ces hallucinations scéniques du réveil des tropiques, volume 1, donc pour cet excellent LP qui vient tout juste de paraître, vinyle rose, lui aussi color de picture LP par Le Réveil des Tropiques, donc le projet de Frédéric Oberland, qui nous démontre donc le post-rock façon Constellation a fait des émules en France. Un groupe qui s'inscrit aussi un peu dans les pas de Oulan-Bator. Ce projet de Frédéric Oberland, promoteur du projet Oiseau Tempête. On continue avec de nouveau une séquence de musique électronique et le retour du projet de l'américain du Kentucky, mais basé à New York, Robert Beatty, qu'on connaît surtout comme membre du groupe de Noise Airport. C'est quelqu'un aussi qui est plasticien et qui dessine des pochettes d'inspiration psyché 70s pour quantité de projets plutôt post-psychédéliques et aussi pour les labels Spectrum Spool ou encore Mexican Summer. Il se produit assez régulièrement et il sort des disques sous son nom, sur son patronyme Robert Betty, mais ce soir je vous propose d'écouter son projet Three Legged Race qu'on avait pu découvrir en 2012. C'était sorti à la fin de l'année sur la subdivision d'Imego Spectrum Spool, son album Long Player Persuasive Barrier. Il revient avec un 45 tours maxi picture disque, s'il vous plaît, sur le label Underwater People sous le titre Rope Commercial Volume 1. Donc là encore, ça devrait être suivi par un volume 2, quoique parfois ça n'arrive pas. Et on écoute donc un extrait de ce Rope Commercial par Three Legged Race, le titre sélectionné pour l'émission de cette semaine s'intitule Aside from Each Other and Together Overnight. Thank you. I'm going to go to the next one. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr avec une séquence de musique électro-hypnagogique contemporaine et deux projets finalement pas si éloignés l'un de l'autre. Tout d'abord Three-Legged Race, le solo de l'américain Robert Beatty et son tout nouvel album 45 tours maxi sous le titre Rope Commercial Volume 1, qui était enchaîné avec Les Dédales de Opéra Mort, le duo franco-belge de LG et Joe Tantz, Opéra Mort qui avait déjà sorti des choses très très bien ces dernières années. On se souvient d'un excellent album sorti à l'époque sur l'étiquette Bimbo Tower. Là il s'agit d'un 33 tours publié par le britannique Luke Younger sur son catalogue Alter Records. Opéra Mort qu'on n'a pas revu sur scène depuis quelques temps, qui se font un petit peu plus rares en France vu que l'un vit à Bruxelles, l'autre à Paris, mais on espère une tournée hexagonale début du second semestre 2014 ou prochaine saison 2014-2015, même si on n'a pas d'infos à ce sujet. Voilà, on continue avec cette fois-ci le Nantais Tom Bodelin, ou encore Tom Bodlin, saxophoniste hurleur de son état, également facteur d'instruments dans cette bonne ville de Nantes. C'est aussi quelqu'un qui fait de la noise, notamment au sein du groupe assez furieux Café Flèche. Tom Bodlin qui a sorti plusieurs opus sous son nom, sous son alias Tom Bodlin, des opus plutôt assez proches, comment caractériser la musique de Tom Bodlin, sinon qu'elle fait un peu penser à du Tom Waits au niveau de la voix et de certains arrangements et des structures de saxophone répétitives plutôt très chouette à entendre. Le précédent opus était sorti par les bons soins du label brésilien Kerview Records. Celui-ci est publié conjointement entre le label de Pau, A Temps Rêvé du Roi, et Kerview Records. Donc il s'intitule Comme je descendais des fleuves impassibles. Donc j'imagine que ça vous évoque quelque chose, ce titre de Tom Bodlin. Mais je vous propose ce soir non pas d'écouter le morceau qui donne le titre à cet album, qui est un titre assez long d'une bonne dizaine de minutes, mais on écoute plutôt la circulation des sèves inouïes, et c'est un titre un tantinet plus court, extrait de ce tout nouveau vinyle qui sort ces jours-ci. Et on remercie Mr. Brom, d'ailleurs Lester de son prénom, de nous avoir confié cet album alors qu'il n'était pas encore finalisé et masterisé pour y jeter une oreille. On écoute cette circulation des sèves inouïes par Tom Bodlin. Thank you. À l'instant, trois titres enchaînés dans l'asile le plus sûr. Tout d'abord, Tom Bodlin ou encore Tom Bodlin et son dernier opus « Comme je descendais des fleuves impassibles » produit par Kerview Records et non pas Kerview comme c'est mis sur le site internet de leur camarade « A-t-on rêvé du roi ?» Alors peut-être que c'est une boutade entre Jean de Pau et nos camarades bretons de Kerview Records qui ont produit ce tout nouvel opus qui sort ces jours-ci en vinyle. Je pense que ce sera disponible du côté de la rue Poulain du Parc par exemple, sinon moyen de se le commander directement auprès du label par internet. Excellent nouveau disque du Nantais multi-instrumentiste et principalement saxophoniste. On pense beaucoup au saxophone de John Lurie par exemple pour le son qu'il peut produire sur ce nouvel album qui était enchaîné avec une miniature extraite de l'excellent double de Officer, le projet de Mick Ops, vieux projet de la fin 70, début 80, pour lequel le label Blackest Ever Black a sorti une série de titres qui avait été enregistrée en 1995 pour donner lieu à un album qui n'avait pas vu le jour à l'époque et qui donc sort enfin plus de quasiment au bout de 20 ans sous le titre Dead Unique, très très beau disque de Officer, et c'était la séquence se terminait avec un extrait de Uranus, le fameux album du trio Jean-Louis sorti sur Quax Records à la rentrée dernière. Jean-Louis qui sont en tournée, alors je crois que c'est plutôt une tournée du côté de la Belgique et vers l'est de l'Europe. Mais vous pourrez retrouver Joachim Florent, contrebassiste, bassiste de ce power trio au concert organisé par l'association Interzone à la Maison de la Grèvre. Ce sera le vendredi 13 juin, donc vendredi en 8, une soirée dans laquelle vous pourrez aussi entendre le duo Papa Pic Mamankou, qui est le duo entre notre camarade Le Lièvre de Mars et Miss Agnès. Et il y aura aussi un solo de Will Guthrie, solo ou un non-solo absolu aux batteries et percussions. Et cerise sur le gâteau, un trio dans lequel on retrouvera monsieur Yann Saboya de Happy Wiz en compagnie de Mathias Pontavia à la batterie et de Michel Doneda au saxophone soprane comme toujours. Tout ça donc le vendredi 13 juin en entrée libre à partir de 20h30 à la Maison de la Grève au 37 rue Le Graveran. Michel Doneda que vous pourrez également retrouver le week-end prochain, ce sera dans le cadre du festival Les Aragars. Alors je ne sais pas, c'est la dixième édition cette année tout rond, qui aura lieu donc ce week-end samedi 7 et dimanche 8 juin. Il se produira à peu près vers 18h, entre 18 et 19h en compagnie du clarinettiste Joris Rull. Il y aura aussi un autre duo assez fameux, j'imagine, entre Jean-Luc Capozzo et Éric Brochard. Ce sera le lendemain, le dimanche 8 juin. Vous pourrez aussi peut-être participer à la fanfare de la touffe de Fabrice Charles en vous présentant aux ateliers à partir de 10h30 pour vous produire dans l'après-midi sur les cuivres de cette harmonie plutôt chelou menée par des non-musiciens et encadrée par Xavier Charles. Il y a aussi pas mal de musique du monde comme chaque année pour ce festival qui croise les musiques improvisées et traditionnelles, notamment des musiques des Balkans le projet Ban Peters par exemple, qui est un projet je crois de musiciens originaires de la Réunion. Voilà, donc plus d'informations sur le site Les Arts agar.org et on écoute un vieux morceau de Michel Doneda, extrait d'un disque qu'il avait sorti à l'époque sur le label Natto en 33 tours. Alors à ma connaissance, ça n'a toujours pas été réédité. L'album est un de ceux que je préfère de Michel, ça s'intitule Terra. Et on écoute un titre où on entend son jeu de soprano en souffle continu façon Evan Parker avec des boucles endiablées. On écoute le titre Xori Fumi. Thank you. Mm-hmm. Waouh, ça c'est envoyé, ce disque de Angles 9 Injuries qui vient tout juste de sortir sur Clean Feed, le label portugais est une vraie tuerie, et le titre Eti qu'on écoutait, d'inspiration très éthiope jazz, assez atypique d'ailleurs pour ce combo originaire du nord de l'Europe, est une vraie bombe. Il s'agissait de Angles 9, la grande formation, ou plutôt l'orchestre de poche façon Charles Mingus, du saxophoniste Martin Kutchen. Au départ, c'était un combo de 4 personnes, 4 Suédois comme Martin Kutchen l'est. Et il a étendu cela à différents instrumentistes, tels que le trompettiste Magnus Brou. Et ça donne un cocktail assez jubilatoire. Ils avaient déjà sorti des choses précédemment sous cette grande formation sous le nom de Angles 9, notamment un disque l'an dernier également sur Clean Feed en 33 tours sous le titre In the Midst. Celui-ci sort ces jours-ci, et comme toutes les productions de Clean Feed, c'est du jazz contemporain du très très très grande et haute volée. Juste avant, on entendait le folklore imaginaire grâce au registre étendu et au souffle continu de Michel Donetta, avec un titre entièrement au saxophone soprano joué en temps réel, extrait de son sublissime album Terra qui était sorti en 1985, disque qui se fait assez rare. Je crois qu'il n'a pas été réédité à ce jour en CD. Donc s'il y a des producteurs qui nous écoutent, il faut peut-être faire des propositions à Jean Rochard pour ressortir enfin ce très beau disque de Michel Donetta, qui était à l'époque en compagnie de Beniat Achari, Didier Masmalet, Gérard Siracusa aux percussions. Et il y avait même un violoniste électrique, Phil Washman, pour ses excellentes compositions improvisées qui flirtaient pas mal avec les musiques de traverse et traditionnelles. Voilà, Michel Donetta, donc, que vous pourrez retrouver le week-end prochain. Ce sera dans le cadre du festival des Arts à Gare. Gare qui est une petite commune en allant vers Saint-Malo. Ce sera donc entre le 6 et le 8 juin, le week-end qui vient. Et vous pourrez aussi retrouver Michel Donetta au sein de l'excellent trio du Sud-Ouest Ruland. Ce sera à la Maison de la Grève au 37 rue Le Graveran. Plus d'informations en allant sur le site interzone@free.fr ou encore sur le site de la Maison de la Grève .boom.org pour consulter la programmation et peut-être aussi aller manger à la cantine, suivant le programme prévu pour les cantines de la Maison de la Grève. On se quitte avec un excellent album d'un musicien britannique que je découvre avec cet opus, The Answering Smile, par monsieur Adrian Lane, qui apparemment est plutôt un plasticien de son état. Je crois qu'il enseigne les arts visuels en Angleterre. Il est du côté du sud de l'Angleterre. Il est basé du côté du sud de l'Angleterre et il produit depuis 2-3 ans une musique aux confins entre les musiques classiques, nouvelles ou encore médiévales, sur un instrumentarium assez atypique, notamment un psalterion joué avec différents archets. Il y a aussi du banjo, joue de la guitare acoustique, de la mandoline et différentes sitars amplifiées sur cet excellent disque The Answering Smile, sorti en toute petite site production artisanale CDR avec pochette fait main sur le label de Cracow en Pologne, Preserve de Sound. Il y a un bandcamp pour aller écouter la musique de monsieur Adrian Lane. Et si les musiciens de Coil s'étaient mis au Psalterion, je crois qu'ils auraient produit ce genre de musique. Je vous rappelle le blog de l'Asile le plus sûr pour retrouver l'ensemble des playlists et titres écoutés ce soir. asile35.blogspot.fr ou encore le Mixcloud/Redman pour retrouver les émissions également en streaming. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute du 94 MHz. On écoute The Answering Smile par Adrian Lane. On écoutera deux titres enchaînés. À la semaine prochaine.